monsieur le philosophe. Vous arrivez bien à propos avec votre philosophie. Par où fait-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? Celle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Et quelles sont-elles, ces trois opérations de l'esprit? La première, la seconde, la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde est de bien juger par le moyen des catégories. La troisième est de bien tirer une conclusion par le moyen des figures. Barbara, c'est la reine de Dari, Ferio, Baralipton, etc., etc. Voilà des mots trop rébarbatifs. Apprenons quelque chose de plus joli. Je vous apprendrai la morale. La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Celle qui traite de la félicité, qui enseigne aux hommes à modérer leurs passions. Oh, c'est moi, je suis bilieux comme tous les diables. Il n'y a morale qui tienne, je me mets en colère tout mon sou quand il m'apprend tant vite. La physique que vous les apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps. Le discours de la nature des éléments, les métaux, les minéraux, les pierres, les plantes et les animaux. Il nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, la foudre, le tonnerre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Oh, il y a trop de tatamarres là-dedans. Trop de bruit à minuit. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Et après, vous m'apprendrez l'almanach. Pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a pas. Ouais. Pour bien suivre votre pensée et conduire cette matière en philosophe, il nous faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles, parce qu'elles expriment des voix. Et en consonne, ainsi nommée consonne, parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a cinq voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah, oui. La voix se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. Mais ma foi, oui. Oh, que cela est beau. La voix se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre, écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. Cela est vrai, vive la science. La voix haute se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins. Oh. Oh. A, E, I, O. Vous avez raison. Oh, la belle chose que de savoir quelque chose. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, cela est admirable. Et lui se forme en rapprochant les dents, sans les joindre entièrement, allongeant les lèvres en dehors, les rapprochant aussi, sans les joindre tout à fait. Il n'y a rien de plus juste. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que Que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie, au reste. Il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Sans des vers que vous lui voulez écrire? Non, non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non. Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par cette raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers. Et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, alors qu'est-ce que c'est? De la prose. La prose? Quoi, quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon beau de nuit », c'est de la prose? Oui, monsieur. Pour ma part, ma foi, ça fait plus de 40 ans que je dis de la prose, sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui écrire dans ce petit billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, arrangé à la mode. Maître, que les feux de césure réduisent votre cœur en sang. Bah, que vous souffrez pour elle jour et nuit les violences. Non. Une passe. Non, non, non. Je ne veux que ces seules paroles-là. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Faut bien étendre un peu la chose. Mais non, vous dis-je. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Mais bien arrangé, comme il faut. Veuillez me dire, s'il vous plaît, les diverses manières dont on peut les mettre. On peut les mettre premièrement comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mmh. Ou bien d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien mourir vos beaux yeux d'amour, belle marquise, me font. Ou bien me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d'amour. Oui, mais... De toutes ces manières-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, j'ai point étudié. Et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Comment? Mon habit n'est pas encore là? Non, monsieur. Ah! J'enrage! Ce diable de tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant d'affaires. Que la fièvre cartaine puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur. Au diable le tailleur! Où est-ce qu'il flotte? Mais là, ces tailleurs détestables! Quel tailleur! Que la peste étouffe le tailleur! Tiens, ah! Je vais m'aller mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt. Et j'ai mis 20 garçons! Après votre habit. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à pouvoir les mettre. Et il y a déjà 2 mailles de rompues. Ils ne s'élargiront que 30. Si je rends toutes les mailles. Et vous m'avez fait faire aussi des souliers qui me blessent furieusement. Point du tout, monsieur. Comment point du tout? Non, ils ne vous blessent point. Moi, je vous dis qu'ils me blessent, moi. Vous vous imaginez cela? Mais je m'imagine parce que je le sens. Voilà la belle raison. Tenez, voilà le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Et je le donne en 6 coups aux tailleurs des plus éclairés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous avez mis les fleurs en bas. Vous n'aviez pas dit de les mettre en haut? Mais il fallait vous dire cela. Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les fleurs en bas? Oui, monsieur. Cela est donc bien. Si vous le voulez, je les mettrai en haut. Mais non, vous dites. Vous n'avez qu'à dire. Mais non. Très bien. Pensez-vous que l'habit m'aille bien? Belle de mort. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais voilà de l'étoffe de mon dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnais bien. C'est que l'étoffe m'en sembla si belle que j'ai voulu lever un habit pour moi. Mais fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui. Allez. Attendez. Quoi? Cela ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence. Hein? Et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Hola!